pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Pongkam Intabwari, ambassadeur laotien en Corée, lui a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations. Ismail Ahmad Muhammad Hassan, ambassadeur palestinien, et Mansour Chaboshi, ambassadeur iranien, lui ont offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations. Les corbeilles de fleurs et les lettres de félicitations sont transmises respectivement le 4 juillet à un cadre coréen intéressé.